d'un tourbillon de haine et de délation, toutes les valeurs morales sont plus ou moins corrompues. Ouais, un. Ouais, premier arrivé, premier servi. Les mecs s'enferment dans leur tête comme dans une cage, donc tous les coups sont permis. La valeur d'un homme se cache sous une couche de vernis. Est-ce ma vision qui change ou les couleurs de leur visage ont terni? Vermine, le mec à terre, on le termine. Au sécateur, on sécaterme. Les coups d'un père exterminent. Violence épidermique. Élever des gosses, il faudrait peut-être un permis. Le capital affûte ses canines. La fraternité en famine. Eh, la liberté n'a plus qu'à fouiller les poubelles en famille. C'est illégal, illégal, ça devrait être interdit. Ouais. Culture du vol, culture du viol. La porte était ouverte, les mecs se sont servis. C'est illégal, illégal, ça devrait être interdit. Premier arrivé, premier servi. Ouais, ouais. Le mec à terre, on le termine. On termine. Ouais. La liberté n'a plus qu'à fouiller les poubelles en face. C'est illégal, illégal, ça devrait être interdit. Ouais. Ça devrait être interdit. One of the problems that we have to guard against is danger of being corrupted by power. Hein, crust. Les uns, j'avoue, je me casse plus trop la tête. Demain sera lourd, je me mets la race jusqu'à plus de bouche, jusqu'à mon corps par terre. Dans cette nature, je me sens plus locataire. Ils pensent être proprio de la terre, leur monde de sourds, aveuglé par du gros salaire. Flip chef, saute vos barrières, sonne l'alarme, c'est pas une fausse alerte. Lance flamme sur vos carrières, vos sales affaires. Incorruptible comme Robespierre, coincé dans le ventre mou de la République, faudra que la liberté nous porte à terme. Maintenant ils flippent parce qu'on peut lire entre les lignes. Il faudrait pas que le peuple se mette à vivre sans peur et digne. Brûle un peu de résine, oublie leur mythe au fumier. Mes gens, si je trouve l'issue de secours, je vous fais des signaux de fumée. Corrompu, c'est le terme, dans un élan de génie, mêlant mensonge et grand déni. Quand y a un billet à faire, méprise enfants et gens séniles. En cas, il déclenche une guerre, tentant c'est sans répit. J'ai mis un doute en ce qui concerne les pandémies. C'est illégal, illégal, ça devrait être interdit. Ouais. Culture du vol, culture du viol, la porte était ouverte, les mecs se sont servis. C'est illégal, illégal, ça devrait être interdit. Ouais. Culture du vol, culture du viol, la porte était ouverte, les mecs se sont servis. C'est illégal, illégal, ça devrait être interdit. Ouais. Premier arrivé, premier servi. Ouais. Ouais. Le mec à terre, on le termine. Ouais.